إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on commence le cours numéro 20 dans l'explication de la aqidah de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah et avec le sharh du Cheikh Saleh Al-Fawzan, le Cheikh il dit l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab il dit وَأَرَى هَجْرَ الْمُبْتَدِعَ وَأَرَى هَجْرَ الْمُبْتَدِعَ أَهْلَ الْبِدَعَ وَأَرَى هَجْرَ أَهْلُ الْبِدَعَ وَمُبَيَّنَتُهُمْ حَتَّى يَتُوبُوا وأحكم عليهم بالظاهر وأكل سرائرهم إلى الله وأكل سرائرهم إلى الله وأعتقد أن كل محدثة في الدين بدعة. Donc l'imam il dit je considère que il faut يعني boycotter les gens بدعة, se séparer d'eux complètement et les couper jusqu'à ce qu'ils se repentent et je juge par rapport à l'apparence. C'est-à-dire, je juge les gens selon ce qu'ils montrent, selon ce qui est apparent d'eux. Hein? Et qu'est-ce qu'ils ont à l'intérieur de leur cœur? Je le laisse à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, Allah lui va juger qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'eux. Moi, je juge seulement qu'est-ce que je vois et qu'est-ce que j'entends à l'extérieur. Parce que l'intérieur, personne ne connaît sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit, et je crois que toute invention dans la religion, c'est une bid'a. Que toute invention dans la religion c'est une bid'a. Donc le cheikh explique ça, le cheikh Saleh Al-Fawzan il explique ça. Il dit al-bid'a jam'u bid'a wa hiya ma uhditha fi ad-din min al-ibadat allati laysa 'alayha dalil min kitab aw sunnah li anna al-ibadat tawqifiyya. Fala na'malu shay'an minha illa bi dalil min al-kitab wa sunnah. Faman ja'a wa ahdatha شيئا يتقرب به إلى الله من ذكر أو صلاة أو عبادة ويقول هذا زيادة خير فيقال له لا هذا زيادة شر وليس هو زيادة خير لأن الدين كامل ولا يقبل الإضافات والزيادات فقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والدين كامل وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم فالله شهد لهذا الدين بأنه كامل فلا يقبل الزيادة والإضافات حسبنا أننا نعمل بما في هذا الدين من العبادات أما أن نزيد ونقول هذه زيادة خير فهذه بدعة وقد قال صلى الله عليه وسلم من يعش منكم فسيرى اختلافا كبيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكان في خطبه يقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة فهذا فيه رد على الذين يقسمون البدعة إلى أربعة أقسام. on va lire le reste mais on va juste expliquer cette partie. Le cheikh il dit que les bid'a, le mot bid'a c'est le pluriel du mot bid'a. c'est-à-dire les innovations dans la religion, le singulier c'est bid'a et le pluriel c'est bid'a. Ok? Et c'est qu'est-ce qui a été inventé dans la religion comme adoration qui n'a pas de preuve à son sujet. C'est-à-dire dans le Coran, dans la Sunna, il n'y a pas de preuve pour justifier cette action-là comme adoration ou autre. Parce que les adorations dans l'islam sont tawqifiyya. Qu'est-ce que ça veut dire tawqifiyya? Tawqifiyya, ça veut dire tu dois t'arrêter à qu'est-ce qui est dans les textes. Tu ne peux pas dépasser cette limite-là. D'accord? Tawqifiyya, ça veut dire ça. Et donc, tu ne peux rien faire d'adoration dans la religion, excepté si tu as une preuve du Coran ou de la Sunna pour justifier cette action-là. Donc, si quelqu'un vient et il amène quelque chose de nouveau pour se rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala, sans mentionner d'où est-ce qu'il a pris ça, sans qu'il y ait une preuve, alors c'est une innovation dans ce cas-là. Et si quelqu'un, donc, il amène quelque chose ou invente quelque chose pour se rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala, comme par exemple dans le zikr, ou dans la salat, ou dans l'adoration, et il dit ça c'est pour ajouter du bien, ou pour augmenter le bien, on lui répond, on lui dit non. Ça c'est pas une augmentation de bien, et c'est pas plus de bien, en réalité c'est plus de mal. Hein? C'est quelque chose que tu fais qui est un surplus de mal, et non pas un surplus de bien. Parce que la religion elle est déjà complète, et il n'y a rien de cette religion qui va être accepté, il n'y a rien qui va être accepté dans cette religion de surplus ou d'ajout, hein, de choses que les gens veulent ajouter. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est décédé, sallallahu alayhi wa sallam, la religion elle était complète et parfaite déjà, d'accord? Donc Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit ça dans le Coran, dans le verset 3, dans surat al-Ma'ida, il dit « Aujourd'hui j'ai complété pour vous ma religion. » Ça veut dire que la religion, elle était complète déjà. Il n'y a rien à rajouter dedans. Allah a témoigné qu'il a complété cette religion-là et qu'elle est complète. Et il n'accepte pas les ajouts et les surplus qu'on veut rajouter dedans. Il est suffisant pour nous d'agir et d'appliquer la religion selon ce qu'il y a dedans d'adoration sans rajouter quoi que ce soit. Mais celui qui dit, nous on veut augmenter dans la religion, et que ça c'est des ajouts de biens, ça en réalité c'est une innovation. C'est des innovations. Et, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Ça va, akhi? Alhamdulillah. Salam alaykum. Hamza? Samir, hein, mashallah, Samir. Ça c'est le frère Ali, hein, mashallah. Ahmed, il n'est pas avec toi? هو قريب إن شاء الله تفضل فيه اجلس معنا بارك الله فيك ما شاء الله donc c'est ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui d'entre vous qui vivra verra beaucoup de divergences alors je vous incite à suivre ma sunna et la sunna de mes successeurs bien guidés après moi accrochez-vous à ça et mordez dedans avec vos dents avec vos molaires et prenez garde aux nouvelles choses qui sont inventées dans la religion parce que toute nouvelle affaire dans la religion, c'est une innovation, c'est une bid'a. Et toute bid'a, c'est un égarement. Et tout égarement amène au feu. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Men in black. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment ça va, akhi? Alhamdulillah, ça fait longtemps, inshallah. Trouvez-vous un coin là? Alhamdulillah, la place devient petite. Alhamdulillah. Non, comme on dit, toute innovation est un égarement, hein? Comme l'imam Muhammad, comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué. Toute nouvelle chose dans la religion, c'est une innovation, et toute innovation, c'est un égarement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ses khutab, lorsqu'il faisait des discours, hein, à chaque fois, quand il commençait son introduction, avant de parler, il commençait toujours par khutbatul haja, et à la fin il disait, ensuite, amma ba'd, la meilleure parole, c'est la parole, le livre d'Allah, et la meilleure guidance, c'est la guidance de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et la pire des choses, c'est les choses inventées dans la religion, et toute invention, c'est une bid'a, c'est un égarement, hein. Toute innovation est un égarement. Et le cheikh il dit فهذا فيه رد على الذين يقسمون البدع إلى حسنة وسيئة فالبدع في الدين ليس فيها شيء حسن وإنما كلها سيئة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة وهذا المبتدع يقول ليس كل بدعة ضلالة بل منها شيء حسن فهذا يرد على فهذا يرد على الرسول صلى الله عليه وسلم قال الشاعر خير الأمور السالفات على الهدى وشر الأمور المحدثات البدائع فالذي يقول هناك بدعة حسنة يقال له هذه بدعة ضلالة وشر وليست حسنة ليس في الدين بدعة حسنة أبدا سنتجنب البدع ونقتصر على السنن ففيها خير وكمال ولا يكفي أننا نتجنب البدع بل نهجر المبتدعة ولا نجلس معهم ولا نصادقهم حتى يتركوا البدعة لأننا إذا صادقناهم وجالسناهم شجعناهم على البدعة فنحن نهجرهم بمعنى أننا نترك مجالستهم ونترك مصادقتهم حتى يتوبوا إلى الله دونك للشيخ محمد بن عبد الوهاب Donc on a expliqué qu'il a dit qu'il faut s'écarter et s'éloigner des gens d'innovation et de bid'ah. Puis le Cheikh Al-Fawzan il explique ça. Et il dit qu'il y a dans les paroles qu'on vient de lire une réfutation de ceux qui disent qu'on doit diviser la bid'ah en différentes catégories. Vous allez trouver parmi les gens de bid'ah qui essaient de faire des shubuhat, qui essaient de tromper les gens. Et quand il les invite à des innovations, comme par exemple à célébrer la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou bien à faire d'autres sortes d'innovations, ils vont dire « Non, ça c'est vrai, ok, d'accord, on est d'accord avec vous, c'est des innovations. » Pour essayer de nous amadouer peut-être, ils vont dire « Bon, ok, on est d'accord que c'est des innovations. » Mais c'est des bonnes innovations, c'est pas des choses mauvaises. La preuve que c'est des choses bonnes, on fait rien de mal. On fait juste se rappeler du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on fait juste ci et ça, et c'est des arguments qu'ils ramènent. Et le cheikh il dit que il n'y a pas de bonnes bid'a. Et de mauvaises bid'ah. Toutes les bid'ah sont des égarements. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, toute innovation est une bid'ah. Dans la religion, Et donc, il y a une réfutation, hein, cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit, kullu bid'atin dalala. Toute innovation est une égarement. Sans exception. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit, certaines innovations sont bid'ah et d'autres sont pas bid'ah. Il a dit, kull. Kull, ça veut dire tout. D'accord? Sans exception. Donc le cheikh il dit les innovations dans la religion, il n'y a rien de bon dedans. Elles sont toutes mauvaises parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit toutes les innovations sont des égarements. Et cet innovateur il dit il n'y a pas de bid'a qui sont égarements, ou c'est pas toutes les bid'a qui sont égarements, il y en a certaines qui sont bonnes. Et c'est comme s'il voulait répondre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh il mentionne une parole d'un poète qui dit que toutes les bonnes choses sont de suivre qu'est-ce qui est venu auparavant dans la guidance, et les pires choses c'est d'inventer des nouvelles innovations et des inventions dans la religion. Donc celui qui dit qu'il y a des bonnes innovations, on doit lui dire, cette bid'ah c'est une égarement, c'est pas quelque chose de bon, c'est quelque chose de mauvais, et c'est pas hasana. Il n'y a pas dans la religion de bonnes bid'ah du tout, Donc tu dois t'écarter des innovations et tu dois te limiter à qu'est-ce qui fait partie de la sunna. Tu dois te limiter au sunan, à la sunan. Parce que dans la sunna, il y a le bien et tout est complet et parfait dedans. Et c'est pas suffisant seulement de s'écarter des innovations. Il faut également s'écarter des innovateurs, de ceux qui appellent à la bid'a et qui font des bid'a. Il faut aussi s'écarter d'eux. C'est pas suffisant juste de dire, ah, moi je fais pas de bid'ah. Puis toute ta journée, tout ton temps, tu les passes avec des gens de bid'ah, qui appellent à la bid'ah et qui font des bid'ah. Et tu considères qu'il n'y a pas de problème de rester avec eux. Donc, le cheikh, il explique que tu dois pas juste te limiter à dire, je vais suivre la sunna et je vais, m'écarter de la bid'ah. Tu dois également t'écarter et boycotter et stopper toute relation avec les gens de bid'ah. Le cheikh dit tu ne dois pas t'asseoir avec eux, tu ne dois pas les prendre pour amis et commencer à traîner avec eux comme on dit. Jusqu'à ce qu'ils aient abandonné leurs innovations. D'accord ? Parce que, le cheikh dit, parce que si tu les prends pour amis et que tu t'assois avec eux, c'est comme si tu les encourages à la bid'a. Et nous, on s'écarte d'eux et on coupe les liens avec eux, dans le sens que on ne va pas s'asseoir avec eux, puis on ne va pas les prendre pour amis jusqu'à ce qu'ils se soient repentis à Allah subhanahu wa ta'ala de ces innovations-là. Et ça, c'est la voie des salafs salih. C'est pas quelque chose que le cheikh il dit de lui-même. Ça, tous les imams des salafs, ils ont enseigné ça. Ils ont averti les musulmans contre le fait de s'asseoir avec les gens de bid'a. Hein. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous les sahaba, ils étaient sur un seul manhaj, une même aqida. Donc ils n'avaient pas de problème avec les gens de bid'a. Ils avaient des problèmes avec les munafiqins. Ils avaient des problèmes avec les munafiqins. Mais après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, et après un certain temps, il y a des innovations qui sont apparues. Et ils ont agi, les sahaba ont agi avec ces gens-là qui ont amené des bid'a, de la même façon que les sahaba ont agi envers les munafiqins. Hein, jusqu'à ce qu'ils se repentent. Et le cheikh il dit, هذا الواجب على أهل السنة أنهم يهجرون أهل البدع ولو حصل هذا لما انتشرت البدع ولكن لما حصل التساهل مع المبتدعة صاروا يعيثون في الأرض فسادا وينشرون البدع ولا يوجد من ينكر عليهم صاروا أصدقاؤنا وجلساؤنا وانتشرت البدع بهذه الطريقة أما لو أن أهل البدع هجروا لقل شرهم لشيخ البيسا في الوبليكاتيون pour les musulmans d'Ahl al-Sunna de s'écarter et de boycotter, de couper les liens avec les gens de bid'ah. Même si le cheikh dit, si on avait respecté ça et qu'on avait appliqué ça, l'innovation ne se serait pas propagée, ne serait pas répandue partout. Mais du fait que les gens ont pris ça à la légère, ils ont commencé à accepter de rester avec les gens de bid'ah, de s'asseoir avec eux, puis de travailler avec eux, de faire des activités islamiques avec eux et tout, et bien après un certain temps, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que la bid'ah s'est répandue sur la terre, et que la corruption s'est répandue. Et c'est ça ce qui se passe aujourd'hui maintenant. Il y a des musulmans qui disent, ah mais l'important, on travaille pour l'islam. Donc on laisse de côté nos divergences, on laisse de côté nos différences, puis on travaille ensemble, puis on travaille pour l'islam. On est au Canada, ou on est aux États-Unis, ou on est en Europe, on est minoritaire, et les koufars sont tous contre nous, donc on doit s'unir contre eux, tous ensemble, sans prendre en considération les divergences, et sans faire attention aux innovations et aux groupes de bid'ah, parce qu'on est minoritaire. Non, ça c'est pas une excuse. C'est vrai que peut-être on est minoritaire. Mais le problème, c'est que si on s'associe avec des gens de bid'a et qu'on travaille avec eux, puis qu'on ne dénonce pas les innovations qu'ils suivent, et qu'on ne fait pas attention à leurs égarements, c'est eux qui vont devenir majoritaires sur nous. Puis la sunna, il n'y en aura plus du tout, parce qu'il va rester que de la bid'a par la suite. Hein? Donc ça, c'est très important. Donc, quand juste pour vous donner un exemple, quand tu vas t'asseoir avec des gens, puis que eux, dans leur aqidah et dans leur croyance et dans leur pratique, ils insultent les sahaba, ils les traitent de koufars, et ils pensent que c'est une adoration de les insulter, et ils pensent qu'en les insultant, ils se rapprochent à Allah subhanahu wa ta'ala, comme les rafidah par exemple, et que tu dis on va travailler avec eux parce qu'on est des musulmans, et qu'on travaille tous pour l'islam, soi-disant, comment tu peux considérer que ces gens-là travaillent pour l'islam alors qu'ils sont en train d'insulter les sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et d'insulter les mères des croyants, hein, et de dire, oh, on est tous réunis, on travaille pour l'islam, hein, on a tous un seul Coran, un seul prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et des choses comme ça. Ça, c'est des choubouhats que les gens de bid'ah vont lancer sur les gens pour essayer de faire croire que l'important, c'est juste de s'unir sur n'importe quoi. Et ça, c'est l'égarement. Le cheikh ensuite, il dit, فَقَوْلُ الشَّيْخ وَأَرَى هَجْرَ أَهْلُ الْبِدَعِ وَأَرَى هَجْرَ أَهْلِ الْبِدَعِ وَمُبَيَنَتِهِمْ الْهَجْرُ هُوَ التَّرْكِ يعني تَرْكُهُمْ وعدم الجلوس معهم وعدم مصادقتهم حتى يتوبوا فإذا تابوا تاب الله عليهم وصاروا جلساؤنا وأحبابنا. Le cheikh il dit, je vois qu'il faut faire le hajr des gens de bid'a. Al hajr, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de laisser quelqu'un, de laisser quelque chose. Comme on dit al hijra, c'est quoi al hijra? Tu laisses une terre de kufr, tu laisses une terre de kufr et de shirk pour aller vers une terre d'islam où il y a les musulmans, où il y a l'islam qui est en force et en apparence. Donc ça c'est al-hijra, on appelle ça hijra. Donc ici al-hajr, c'est le principe de boycotter ou de couper quelqu'un, de cesser de rester avec lui, de ne pas lui parler, de ne pas lui faire le salam, de ne pas s'asseoir avec lui, de ne pas être ami avec lui, etc. Hein? Ça ne veut pas dire qu'il est kafir, nécessairement, mais ça veut dire que tu dois agir de cette manière-là avec lui, non pas parce qu'il est kafir, ou non pas parce que tu crois qu'il est kafir, mais parce que tu veux le punir d'une certaine façon, pour le faire comprendre que qu'est-ce qu'il suit et qu'est-ce qu'il fait, c'est incorrect, pour qu'il se sente mal en lui-même et pour qu'il revienne à la vérité. D'accord? Et bien entendu, il y a des ulama qui ont expliqué certaines choses à ce sujet-là en détail, mais ce n'est pas le sujet du cours maintenant. Non. Comme le Faïd dit, des fois déjà on a des amis, on a des copains ou des gens à qui on a grandi, des fois même dans, il y a des musulmans, ils viennent des pays musulmans, ils arrivent ici, ils sont tout seuls, isolés dans la société parce qu'ils ne connaissent personne, ils se réunissent dans les mosquées pour se sentir un peu moins seul. Et puis, qu'est-ce qu'ils trouvent comme amis? C'est qui? C'est des gens qui sont parmi les Ikhwan, Al-Muflisin, ou qui sont parmi d'autres groupes de Tablir, ou d'autres groupes de Bid'a comme ça, ok? Et ils connaissent personne, ils savent pas avec qui se tenir en dehors de ces gens-là. Bon, s'il est capable d'aller avec eux, puis de leur donner la nasiha, et de leur expliquer leurs égarements, et de les ramener à la sunna, hein, ça c'est bien. Alhamdulillah. Mais si après leur avoir parlé et leur expliqué, s'il a l'ilm, la connaissance nécessaire pour le faire, et qu'il leur a expliqué les égarements et les erreurs de ces gens-là, et qu'après un certain temps ils voient que ces gens-là ne veulent rien entendre de la vérité, et qu'ils ne font que s'accrocher et persister dans leurs égarements, eh bien après ça, ils ne doivent pas continuer à rester avec eux. La seule excuse, la seule chose qui peut justifier le fait que tu restes avec ces gens-là, c'est que tu leur parles, pour leur expliquer, pour les ramener à l'islam. Pas comme certains qui disent on va s'infiltrer dans leur groupe, puis avec le temps on va leur parler, peut-être que petit à petit ils vont revenir, puis ils ne font jamais de da'wa, ils ne dénoncent jamais le mal qui est présent parmi eux, ils ne critiquent jamais leurs innovations et leurs égarements, ils font juste rester avec eux, puis dire petit à petit on va peut-être les ramener. Non, ça c'est pas vrai, petit à petit toi tu vas devenir comme eux, c'est ça ce qui arrive, hein. Et ça c'est la politique de s'infiltrer. Exactement. Non, nous c'est pas comme ça. Tu rentres avec les gens pour leur donner la nasiha, tu leur expliques clairement, une fois, deux fois, tu leur parles, tu leur montres pas que tu es d'accord avec eux, non, pour leur faire plaisir. Il y en a qui font ça, ils rentrent avec toi et tout, hein, on est d'accord avec toi et tout, puis ils essaient par la suite de te lancer des petites flèches empoisonnées pour te corrompre, pour t'égarer. Non, nous on fait pas cette méthode-là. On dit à la personne directement, clairement, on lui explique comme il faut, écoute. Cette méthodologie que tu suis, cette voie que tu suis, elle est incorrecte. Elle est en contradiction avec le Coran et la Sunna. Voici les paroles de ceux que vous suivez, et voici les preuves que ces paroles-là sont en contradiction avec le Coran et la Sunna et la voie des salaf salih. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ceci. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ceci. Et voici ce que les salaf disaient et voici ce qu'ils faisaient. Maintenant, est-ce que ça c'est en accord avec ce que vous faites et ce que vous dites et ce que vos imams ont dit? Non, c'est pas un accord. Donc maintenant, vous devez revenir de ces principes-là, revenir de ces idées-là et quitter ces innovations-là. Sinon, entre moi et vous, il ne peut pas y avoir d'amitié ou de rapprochement. Et on va coopérer ensemble tant que c'est sur le Coran et la Sunna et sur la vérité. Mais si c'est pour coopérer avec vous sur vos projets, vos activités, alors que vous continuez à persister dans l'égarement et dans l'erreur, dans ce cas-là, on n'est pas capable de continuer de cette façon-là avec vous. Et on se sépare. Mais c'est pas seulement pour les, oui c'est pas seulement pour les jeunes de l'air aussi, c'est pour les gens de péché qui font des péchés ouvertement puis qui le cachent pas, ceux-là aussi on doit appliquer ces principes-là avec eux. Si tu vas les voir, c'est dans le but de leur donner le nasiha, pour leur rappeler d'Allah, pour les ramener au droit chemin, mais pas pour rester avec eux pendant qu'ils font leur haram et que tu ris avec eux, tu rigoles avec eux, tu acceptes le mal qu'ils font, puis tu dis je veux les ramener à l'islam. Non, ça c'est pas le bon comportement si tu veux les ramener. Tu dois leur faire comprendre que tu veux les ramener au bien, et quand ils font le haram ou quand ils vont dans leur péché, toi tu t'écartes d'eux à ce moment-là, tu restes pas avec eux dans ce moment-là. Wallahu a'lam. Ouais, ça c'est, ça il faut faire attention, ça aussi. Ouais, c'est vrai. Il y a des gens comme ça, comme tu dis, Harry, il s'assoit avec des gens qui discutent. L'autre jour, justement, je passais, on en allait au supermarché, puis il y a des jeunes qui traînent souvent devant le métro. Quand ils me voient, ça paraît que ce sont des jeunes musulmans, mais ils ont pas de, ça paraît qu'ils n'ont pas de repères, de connaissances. Puis, mais ils aiment l'islam, et quand ils voient un musulman, ils veulent lui dire salam. Donc ils me voient passer, et là, sa cigarette dans les mains, salam alaikum, hein, tout content là. Donc je lui expliquais, j'essaie de l'expliquer, je dis, c'est bien de dire salam, ça c'est merveilleux, mashallah. Mais en même temps, la cigarette c'est mauvais, hein. Faut pas fumer. C'est quelque chose de mauvais. Donc c'est des exemples comme ça, yani. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a boycotté certains parmi les gens qui étaient restés derrière. Ils n'étaient pas allés à la bataille. Pendant plus que 40 jours, environ 40 jours, il est resté. Sans leur dire le salam, sans leur parler rien. Ça c'est pour les choses qui ont rapport avec la religion. Mais quand c'est des choses qui sont reliées avec la dunya, par exemple, t'es fâché avec un frère parce qu'il t'a mal parlé ou qu'il a mal agi avec toi ou des choses comme ça, ça tu peux pas le laisser plus que 3 jours. Sans lui dire salam ou sans lui parler. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Sa'ad. Et fahalouk. Michel. Eh, mashallah, Jamal. Salam alaykum, Sa'ad. Comment ça va, mon frère? Alhamdulillah. Eh, moi, tu ne dis pas salam? Hein? Barakallahu fik. Tayyibun, inshallah. Tayyib. Donc le cheikh il dit ensuite wa ahkumu bil zahir. Il dit le cheikh hatta yatubu. Hatta yatubu. Fa idha tabu taba Allah alayhim wa saru julasa'una wa ahbabuna. Jusqu'à ce qu'ils se sont repentis. Quand ils se sont repentis, ils deviennent nos amis, nos bien-aimés, nos frères. On va s'asseoir avec eux, on va aller avec eux, on va rester avec eux comme avant. Il n'y a pas de problème. Abandonnez votre bid'a et on va être unis entre nous à travailler ensemble, on va faire tout. Qu'est-ce que vous voulez pour l'islam, le bien, selon le Coran et la Sunna, la voie des salafs sera allée. Il n'y a pas de problème. Mais si vous persistez dans votre égarement et dans votre bid'a, on ne peut pas travailler avec vous. C'est comme les takfiriyin ou les gens qui appellent au takfir ou qui appellent au khuruj ou qui appellent à la rébellion contre les dirigeants et tout. Ces gens-là, même si, en apparence, ils peuvent avoir l'image qu'ils pratiquent le Coran et la Sunna et qu'ils montrent qu'ils s'accrochent à l'islam, mais dans la réalité, ce sont des khawarij, des gens de bid'ah. On ne peut pas travailler avec eux, on ne peut pas s'asseoir avec eux, ces gens-là. Il faut faire attention à ces gens-là. Hein? Parce que, ils sont très dangereux, hein. Et le cheikh, il dit ici, wa qawlu wa ahkumu alayhim bil zahir, ay nahkumu ala nas bil zahir. بالظاهر لنا لا ندري عن القلوب ولكن من فعل الخير شهدنا له بالخير بناء على الظاهر ومن فعل الشر شهدنا له بالشر بناء على الظاهر أما القلوب فلا يعلمها إلا الله ولكن المرجئة الآن يقولون من فعل الكفر أو الشرك أو منكرا فإنك لا تحكم عليه بما ظهر منه لأنك لا تدري عن الذي في قلبه. Donc le cheikh il dit, nous on juge selon l'apparence. Le cheikh l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab il dit, nous on juge selon ce qui est apparent déjà. Et ça c'est pas lui qui l'a dit, hein, seulement tous les imams des salaf ils ont appliqué ça. Même les sahaba ils ont expliqué ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a expliqué ça aussi. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, yani Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu il dit avant à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens étaient jugés selon la révélation. Et quand il y avait un verset qui descendait, des fois, il expliquait qu'est-ce qu'il y avait dans le cœur de certains parmi les munafiqs. Mais aujourd'hui, la révélation, elle est terminée. Et maintenant, on juge uniquement déjà selon qu'est-ce qu'ils font de leurs actions et de leurs paroles. Celui qui nous montre le bien, on se rapproche avec lui, on va être avec lui. Hein. Et on laisse son cœur avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui va le juger pour ce qui est dans son cœur. Mais celui qui nous montre du mal, on va le repousser, on va l'éloigner de nous. Et puis la même chose, on juge selon l'apparence, on ne juge pas selon ce qui est dans le cœur, parce que le cœur, on ne peut pas le voir. Hein? On n'a pas des rayons X là, dans nos yeux, pour voir ce qui est dans les poitrines des gens. On voit seulement l'apparence. Donc quelqu'un qui nous montre le bien, on dit « Alhamdulillah, ça c'est bien ». Quelqu'un qui nous montre le mal, on dit Ça, c'est pas correct. Hein? On va pas dire comme les gens d'égarement, comme le chef il le dit ici. Il y a des gens, il dit, ah mais non, il est pas bon, mais il montre le mal, mais tu sais pas, peut-être qu'il a du bien dans son cœur. Ça, c'est pas notre problème, qu'est-ce qu'il a dans son cœur. Nous, Allah nous a pas demandé qu'est-ce qu'il y a dans son cœur. Il n'y a pas de moyen de vérifier ça. Hein? Nous, Allah nous a demandé qu'est-ce qu'on voit, c'est tout. Qu'est-ce qu'on entend et qu'est-ce qu'on voit. S'il a du bien dans le cœur, qu'il le montre. Mais s'il le montre le contraire du bien, nous on ne peut pas savoir, on n'a pas de preuves pour vérifier que son cœur est bon. Donc ce n'est pas suffisant de dire ça. Donc le cheikh il dit, on juge les gens selon l'apparence. Hein, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de juger que selon l'apparence. Et on ne peut pas savoir ce qui est dans les cœurs. Hein, les gens ils disent souvent aujourd'hui, il ne faut pas juger les gens par l'apparence. Et ça c'est incorrect, c'est faux en fait. On doit juger les gens par l'apparence. Mais quand on parle de l'apparence, on ne parle pas l'apparence physique. On ne parle pas l'apparence physique dans le sens, quelqu'un par exemple, comment il a la forme de son corps ou des descriptions physionomiques ou des choses comme ça. Ça ne distingue pas entre l'apparence d'un individu à un autre. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne regarde pas les corps, il ne regarde pas il regarde pas vos corps ou vos formes, mais il regarde vos cœurs et vos actions. Et nous, quand on parle de l'apparence, c'est ça. On parle de qu'est-ce qui est apparent dans tes actions et dans tes paroles. C'est tout. Hein? Donc, quand on dit, on juge pas les gens par l'apparence, c'est faux si tu veux dire dans le sens de l'apparence des actions et des paroles. Mais si tu veux dire dans le sens de l'apparence physique, oui, dans ce cas-là, ok. Peut-être que tu vois quelqu'un, tu trouves qu'il est handicapé, qu'il est par exemple, tu trouves qu'il est pas beau, qu'il est gros, qu'il est d'une apparence qui te plaît pas, peut-être qu'il est pas beau au regard, mais ça veut pas dire qu'il est pas bon dans sa foi, dans ses actions, hein. Et ça veut pas dire non plus qu'il n'a pas d'aile, et ça veut pas dire qu'il n'a pas de science, hein. Tu peux voir quelqu'un par exemple qui est en chaise roulante, et puis tu le vois, tu te dis, ah, il est minable, il est pauvre ou quoi, il a rien, mais pourtant quand il commence à expliquer l'islam, quand il commence à parler d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il commence à parler de la religion, tu vois que c'est un grand savant, peut-être que c'est un cheikh, c'est un imam dans la religion. Hein? Il y en a, tu les vois, subhanallah, si tu les jugeais par leur apparence, tu dirais, c'est bien ça, c'est des gens simples, ordinaires, ils n'ont rien de spécial, mais pourtant c'est des imams dans la religion. Hein? Et tu vois d'autres, fort, costaud, bien, hein. Et puis, pourtant, ils vivent dans l'égarement, ils vivent pas dans le droit chemin, ils font le mal. Avec la force qu'Allah leur a donnée, ils ne font pas le bien. Donc c'est ça. On juge par l'apparence, mais le cœur, on dit pas. On dit pas qu'est-ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire, c'est Allah qui sait qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc celui qui nous montre le bien, on dit que c'est le bien. Celui qui nous montre le mal, on dit, hein, on juge selon qu'est-ce qu'il nous montre. Et on dit pas comme les Murji'a aujourd'hui. Il y a des Murji'a aujourd'hui, les gens de la secte des Murji'a, ils disent, celui qui fait le kufr, ou qui fait le shirk, ou qui fait un mal parmi les mal, alors on ne juge pas par ce qu'il nous montre, parce qu'on ne sait pas ce qu'il a dans son cœur. Ça c'est la secte des Murji'a qui appelle à ça. Ça c'est la aqida des Murji'a. Ils disent par exemple, peu importe qu'est-ce que tu vas faire comme mal, hein, chez les koufars il y a cette idée là. Moi je connais des gens par exemple parmi les koufars, alaykoum salam rahmatullah, ils parlent des gens parmi les Hells Angels ou des gens comme ça qui fait partie des, on ne devrait pas les appeler Hells Angels parce que les anges de l'enfer sont des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala et ils gardent les portes de l'enfer. Ce ne sont pas des mauvais, ce sont des bons anges. Il n'y a pas de mauvais anges dans les anges d'Allah, ils sont tous obéissants à Allah. Hein? Donc ceux-là c'est des diables de l'enfer, c'est pas des anges de l'enfer. Donc, il y a pas, les anges de l'enfer sont là pour garder l'enfer, pour empêcher les criminels de vouloir sortir et des choses de ce genre. Tandis que eux sont des diables puisqu'ils désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala, ce ne sont pas des anges, ok, ils n'ont rien à voir avec des anges. Mais malgré tout, il y a des koufars, vous les entendez quand ils parlent de certains, non mais moi j'en connais un, il fait partie des Hells Angels, hein, il fait partie des, hein, comme ils les appellent, il fait partie de ces gens-là, et il a un bon cœur. hein, il tue des gens, il vend de la drogue, il fait faire la prostitution, les autres crimes, tout le mal qui peut se faire dans la dunya, il mécroit en Allah, il rejette la foi, il appelle au kufr et au shirk et à l'égarement, et puis après ça, il dit, ah mais non, il a un bon cœur. Comment tu sais qu'il a un bon cœur? Ah mais parce que des fois il est gentil, des fois il est ci, des fois il est ça. Et les gens, ils jugent seulement par la gentillesse maintenant. Et même le diable est gentil des fois, il peut être gentil le diable avec les gens, pour les égarer. Mais c'est pas parce qu'il est gentil qu'il est bon, et qu'il a un bon cœur. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas parfois. Et ça c'est la bid'a des gens aujourd'hui, hein. Il y en a qui disent, pour qui tu te prends? Pourquoi, comment tu juges, tu le juges, hein. Comme il y a dernièrement, j'ai envoyé un texte à propos d'un daria qui a des erreurs dans son manhaj. Quelqu'un m'a répondu, et il m'a dit, pourquoi tu juges, hein, pourquoi tu juges cette personne? Et moi, je lui ai répondu, parce que le texte, c'est pas moi qui l'a écrit, mais j'ai répondu, si t'es pas d'accord avec la personne, et que t'es pas d'accord avec ce qu'il a dit, alors réponds avec des arguments pour prouver que qu'est-ce qu'elle a dit est incorrect. Mais de dire qu'il juge, toi en me disant, elle me dit, repends-toi à Allah. De toi en me disant de me repentir à Allah, ça veut dire que tu me juges, n'est-ce pas? Donc pourquoi toi t'as le droit de me juger, puis d'autres n'auraient pas le droit de juger quelqu'un d'autre, hein? Ça c'est incorrect. Donc, le problème quand tu juges, juge avec justice, et juge avec des preuves et des arguments. Ne juge pas selon tes désirs et tes passions, hein. Donc c'est ça la différence. On a mentionné qu'est-ce qu'une personne a fait, et qu'est-ce qu'une personne a dit, et on a montré les preuves que ses paroles et ses actions sont contraires à l'islam. Maintenant, ça c'est un jugement qui est basé sur des preuves et des arguments. C'est pas basé sur la passion et les désirs. Donc, dans ce cas-là, on juge selon l'apparence. Et donc, c'est pas incorrect. Au contraire, c'est ça ce qu'il faut faire. Et on est obligé de juger dans ce sens-là. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, celui d'entre vous qui voit, Allah subhanahu wa ta'ala, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui voit un mal, alors qu'il le change avec sa main. Et s'il ne peut pas, alors qu'il le change avec sa langue. Et s'il ne peut pas, alors qu'il le change avec son cœur, et ça c'est le minimum de la foi. Il n'a pas dit, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit, celui qui voit que quelqu'un a un bon cœur, alors laissez-le. Non, il a dit, celui qui voit un munkar, un mal quelconque, change-le. Soit avec ta main, soit avec ton cœur, ta bouche, soit avec ton cœur. Et donc ça veut dire que tu juges selon ce que tu vois, ou ce que tu entends aussi. Donc tu vas voir quelque chose de mal, tu entends quelque chose de mal, tu juges. Ça c'est pas bien. Avec la connaissance bien sûr. Donc donc on va continuer. Le cheikh il dit: wa qala al-shaykh wa a'taqidu anna kulla muhdathatin bid'ah, bi khilaf ma yaqul innahu hunaka muhdathat fi ad-din fiha khayr, bal kullu muhdathatin fi ad-din bid'ah, wa hadha ma'khudh min hadith كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما أمور العبادات كالملابس والمساكن والمراكب هذه مما خلق الله لنا ليس فيها بدعة. الأولون ما كانوا يركبون السيارات ونحن نركبها، وإنها لأنها مما أباح الله لنا. قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فأمور العادات والملابس والمساكن والمراكب والمزارع كلها، هذه كلها من الأمور التي لا تدخل في العبادة، بل نستخدمها في العبادة ونستعين بها على العبادة، ونركب السيارات للحج، ونركبها لطلب العلم، ونركبها للجهاد، ويعني مكبرات الصوت نستخدمها لإلقاء الخطب والمحاضرات، ونستعين بها على العبادة لأنها مما أباح الله لنا أن نستعين بها، وليست بدعا، وإنما هي مما خلق الله لنا. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فالأصل في هذه الأمور الإباحة، أما العبادات فالأصل فيها الحذر إلا بدليل. أما في العادات والملابس والمراكب والمآكل والمشارب الأصل فيها الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه. Le cheikh il dit que l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab il a dit toute innovation est une toute invention nouvelle dans la religion est une innovation, contrairement à ceux qui disent qu'il y a des bonnes inventions dans la religion, des choses qui sont bonnes. Et le cheikh il dit toute innovation est une bid'a, toute invention est une bid'a dans la religion. Et ça, ça vient du hadith qu'on a mentionné tout à l'heure, que toute invention est une bid'a et toute bid'a est un égarement. Donc, ça c'est pour les affaires de la religion. Mais dans les choses de la dunya, les choses de la dunya, comme les vêtements, comme les maisons, comme les montures, les choses qu'on utilise pour se déplacer, les moyens de transport, ça ce sont des choses que Allah subhanahu wa ta'ala a créées pour nous. Et ça c'est pas des innovations, hein, c'est pas des bid'a. C'est des innovations dans le sens linguistique. Dans le sens que linguistiquement on peut dire que ça c'est innové puisque ça n'existait pas auparavant. Mais ce ne sont pas des bid'a dans le sens religieux. Et c'est ça que les innovateurs ne comprennent pas. Quand on leur parle de l'interdiction des innovations, ils disent « Ah oui, mais il y a des nouvelles inventions maintenant technologiques, et donc ça c'est la preuve qu'il y a des bonnes innovations, il y a des bonnes choses. » Oui, c'est vrai qu'il y a des bonnes innovations, mais ça c'est uniquement des innovations dans le sens linguistique. Nous on parle de religion maintenant, on ne parle pas de questions qui sont par rapport à la technologie ou aux innovations technologiques ou qui sont dans les choses qu'on utilise pour, comme moyen de transport ou autre. Et ça c'est la choubha qu'ils utilisent, mais bien entendu c'est une choubha qui est, elle ne pèse pas le poids dans la balance. Et le cheikh il donne des exemples, il dit nous aujourd'hui on roule avec des voitures, on utilise des voitures. Les premiers musulmans ils n'utilisaient pas des voitures. Hein? Mais ça fait partie des choses que Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 32 dans surat al-A'raf, dit qui a interdit les parures qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait sortir pour ses serviteurs, de même que les bonnes choses parmi le risque et les subsistances qu'il nous a donné. Ce sont des choses qu'il a créées pour les croyants et qu'il a fait sortir pour les croyants. Les voitures et toutes les autres choses technologiques sont des choses que Allah a fait et qu'il a créées pour les croyants. Donc toutes les choses qui ont rapport avec les habitudes qu'on a, les vêtements, les maisons, les montures, l'agriculture, les trucs de ce genre, tout ça ce sont des choses qui n'entrent pas dans la définition de l'adoration, ça n'entre pas dans l'adoration elle-même. Le cheikh il dit, on peut les utiliser pour l'adoration, on peut les utiliser pour nous aider à faire ces adorations-là, mais elles ne font pas elles-mêmes, elles ne sont pas elles-mêmes des innovations, des adorations. Donc on peut les utiliser pour nous aider dans l'adoration, mais elles ne sont pas elles-mêmes des adorations. Et il donne des exemples, comme par exemple la voiture. Tu l'utilises pour aller au Hajj. Hein, si tu habites à Médine, tu vas aller faire le Hajj à la Mecque, mais tu prends ta voiture, tu vas à la Mecque, tu vas faire le Hajj. Hein. Par exemple, tu peux utiliser ta voiture ou bien tu peux utiliser un avion, tu montes pour aller dans un pays musulman pour chercher la science. Donc ça c'est des exemples. Aussi, tu peux utiliser les montures et les nouvelles moyens de transport pour aller faire le jihad. Hein. C'est des exemples. Le micro qu'on utilise, on l'utilise pour que ça fait agrandir notre voix, hein, pour que les gens puissent entendre nos conférences ou bien les khutbah quand on fait des khutbah de Jumu'ah. Donc tout ça c'est des exemples, des moyens nouveaux et des moyens technologiques qui sont utilisés pour nous aider dans la transmission de la religion, mais même si ce sont des innovations dans la dunya et dans le sens linguistique, elles n'ont rien à voir avec la religion et donc elles sont permises, d'accord? Et on l'utilise pour nous aider à faire les adorations et ça fait partie de ce que Allah nous a permis, hein, et c'est pas des innovations, c'est pas des bid'ahs dans le sens religieux. Et ça fait partie de ce que Allah a créé. Allah dit dans le verset 29 dans surat al-Baqara, c'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. C'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre. Le cheikh dit donc à la base c'est que toutes ces choses-là sont permises. En ce qui concerne les adorations, donc à la base tout est interdit dans les adorations, à la base tout est interdit sauf ce qu'il y a une preuve pour le faire. Dans les adorations, tout est interdit, sauf s'il y a une preuve à la base pour nous permettre de le faire. Dans les questions de la dunya, et des choses de la dunya, c'est le contraire. Tout est permis, sauf s'il y a une preuve pour l'interdire. D'accord? Donc, tu as besoin d'une preuve pour interdire quelque chose dans les choses de la dunya. Mais dans l'adoration, c'est le contraire. Maintenant, on va parler d'un autre sujet. Le cheikh, l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit « وَاَعْتَقِدُ أَنَّ الْإِيمَانَ قَوْلٌ بِاللِّسَانِ وَعَمَلٌ بِالْأَرْكَانِ وَاَعْتِقَادٌ بِالْجَنَانِ يَزِيدُ بِالطَّاعَةِ وَيَنْقُسُ بِالْمَعْصِيَةِ وَهُوَ بِدْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةٌ أَعْلَاهَا شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, et ça c'est la aqidah d'Ahl al-Sunnah wal Jama'ah par rapport à la foi et la définition de la foi. Qu'est-ce que c'est selon Ahl al-Sunnah wal Jama'ah, qu'est-ce que c'est la foi? Le Cheikh il dit, je crois que la foi c'est une parole avec la langue, que c'est une action avec le corps et que c'est une croyance avec le cœur. Elle augmente avec l'obéissance et elle diminue avec la désobéissance. Et elle a 70 et quelques branches. La plus haute d'entre ces branches, c'est la ilaha illallah, et la moindre d'entre ces branches, c'est d'enlever quelque chose du chemin qui nuit au passage des gens. D'accord? Donc ça c'est la définition de la foi selon Ahl al-Sunnah wal Jama'ah. Si quelqu'un vous demande c'est quoi la foi, eh bien vous leur dites que c'est ça la définition de la foi. Le cheikh il dit, هذا شروع, le cheikh al-Fawzan il dit, هذا شروع في مبحث الإيمان ولقد تكرر ذكره في القرآن في مواضع كثيرة ومدح الله أهله ووعدهم بالجنة والثواب العظيم والإيمان مرتبة من مراتب الدين لأن الدين ثلاث مراتب كما في حديث جبريل الإسلام والإيمان والإحسان فالإسلام يتكون من خمسة أركان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وحج البيت الله الحرام هذه من الأفعال الظاهرة والإيمان يتكون من ستة أركان بينها النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره ولا بد من اجتماعها في العبد أي لا بد من اجتماع الإيمان لا بد من اجتماع الإيمان والإسلام في العبد فيكون مسلما مؤمنا مسلما في ظاهره يؤدي أركان الإسلام ومؤمنا في باطنه يؤمن بهذه الأركان الستة فلا يكون مسلما فقط وليس عنده إيمان فهذا شأن المنافقين الذين يظهرون الإسلام وفي الظاهر فيصلون ويصومون ويقولون لا إله إلا الله ويحجون ولكن ليس عندهم إيمان في القلب يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم وهؤلاء في الدرك الأسفل من النار وكذلك العكس لا يكون مؤمنا بدون الإسلام مصدقا ومؤمنا بهذه الأركان بقلبه ولكن ليس عنده إسلام فلا يصلي ولا يزكي ولا يصوم ولا يحج فهذا ليس بمؤمن حتى يكون مسلما يؤدي الأركان الظاهرة والباطنة فلا بد من هذا فالإيمان مجموع اعتقاد القلب وعمل الجوارح ونطق اللسان. Le cheikh explique ici, il dit que maintenant on rentre dans un autre sujet qui est relié à la recherche des points qui ont rapport avec la foi. Et on a mentionné ou on a parlé de ça plusieurs fois dans le Coran, dans plusieurs points. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il a glorifié les gens qui ont la foi et il leur a promis le paradis et une grande récompense. Et la foi, c'est un des degrés parmi les degrés de la religion parce que la religion elle a trois degrés. Le premier, comme on l'a vu dans le hadith de Jibril, hein, et les trois degrés de l'islam, c'est premièrement, les trois degrés de la religion, c'est l'islam, la foi, l'iman et l'ihsan, qui est la perfection de la foi. Ok? Et le cheikh, il explique que l'islam, ça comprend cinq piliers. De témoigner de la ilaha illallah, que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, et que Muhammad est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, d'établir la salat, de donner la zakat, de jeûner le ramadan et de faire le hajj à la Mecque, hein, à la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-haram. Et ça, c'est les choses qui sont des actions apparentes de la foi et de l'islam. C'est l'islam. Les actions apparentes, c'est l'islam. Ensuite, Al-Iman, et ça c'est composé de 6 piliers que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué également. C'est de croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, et de croire en la prédestination, hein, et que ce que Allah nous a prédestiné de bien et de mal, ça doit arriver. Donc il faut absolument que le serviteur d'Allah réunisse tous ces piliers-là. Il doit réunir ces piliers-là. Voilà Bouddha. Donc c'est obligatoire de réunir les deux, la foi et l'islam ensemble, les actions apparentes et les croyances dans le cœur ensemble, pour être un vrai musulman croyant. Musulman en apparence en appliquant les piliers de l'islam, et croyant dans ton cœur en croyant à ces 6 piliers de la foi. Mais tu peux pas être juste musulman sans avoir la foi dans ton cœur. Parce que ça c'est l'attitude des munafiqin, des hypocrites. Ils prient, ils jeûnent, ils disent la ilaha illallah, hein, ils font le hajj, mais ils ne croient pas dans leur cœur en l'islam. Ils disent avec leur bouche ce qui n'est pas dans leur cœur, comme Allah le dit dans le verset 167 dans sourate Al-Imran. Donc ceux-là sont dans le plus bas niveau de l'enfer. De même que le contraire également, celui qui croit dans son cœur en l'islam, mais il n'applique pas l'islam en apparence. Donc il dit que c'est la vérité, il dit qu'il croit en tout ça, au pilier de la foi dans son cœur et tout. Mais il n'a rien de l'islam dans les actions apparentes. Il ne fait pas la salat, il ne donne pas la zakat, il ne fait pas le jeûne, il ne fait pas le hajj. Celui-là, il n'est pas croyant. Jusqu'à ce qu'il soit musulman et qu'il applique les piliers apparents de l'islam et qu'il croit en l'islam dans son cœur également. Donc il faut que les deux soient réunis. La foi, et il faut que ça réunisse la foi dans le cœur, les actions du corps et la parole avec la langue. Le cheikh dit « وَلِهَذَا يَقُولُ أَهْلُ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ هُنَا أَنَّ الْإِيمَانِ قَوْلٌ بِاللِّسَانِ وَاعْتِقَادٌ بِالْقَلْبِ وَعَمَلٌ الْجَوَارِحِ لَا بُدَّ مِنْ هَذِهِ الْأُمُورَ الثَّلَاثَةِ نُطْقٌ بِاللِّسَانِ وَاعْتِقَادٌ بِالْقَلْبِ بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة الذين على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والذين هم الفرقة الناجية من بين الفرق الضالة التي توعدها الله بالنار. فهذا الإيمان عندهم يتكون من هذه الأمور الثلاثة. شيخ الدي ساسي لفوا إلى ديفينيسيون لفوا selon أهل السنة والجماعة. Comme le cheikh l'a mentionné ici, c'est de croire, hein, que c'est de dire que la foi, c'est une parole avec la langue qu'on prononce, que c'est une croyance qui est dans le cœur également, une conviction dans le cœur, et aussi que c'est des actions qu'on fait avec le corps. Et il faut réunir ces trois choses-là absolument et obligatoirement. Hein. Tu ne peux pas te passer de l'une de ces trois choses-là. Une action avec le corps, une parole avec la langue, une croyance dans le cœur, et ces choses-là, ces trois choses-là, elles doivent être ensemble et elles augmentent avec les obéissances que tu fais pour Allah et elles diminuent avec les péchés que tu fais. Donc, plus tu fais des bonnes choses, plus ta foi augmente. Plus tu fais des péchés, plus ta foi diminue. Et ça, c'est la définition de la foi selon Ahl al-Sunnah wal Jama'ah, comme on l'a dit. Hein, ceux qui suivent la Sunnah du messager, sallallahu alayhi wa sallam, ce sont eux qui sont le groupe sauvé. Parmi les sectes qui vont qui sont menacés de l'enfer, hein, parmi les sectes d'égarement. Donc ça c'est la foi selon eux, hein, et elle est comprise de elle est faite de ces trois choses-là. La foi c'est ces trois choses-là réunies. أما المرجئة فيقولون الإيمان هو التصديق بالقلب فقط والأعمال لا تدخل فيه وبعضهم يقول شرط كمال وبعضهم يقول شرط وجوب ولكنها لا تدخل في حقيقة الإيمان فإذا كان مصدقا بقلبه فهذا مؤمن ولو لم يؤدي الأعمال وهذا مذهب باطل لأن المشركين كانوا يعرفون بقلوبهم صحة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن أبوا أن ينطقوا بلا إله إلا الله وأبوا أن يقولوا لا إله إلا الله وأبوا أن يصلوا وأن يصوموا ويزكوا ويحجوا. وقال الله تعالى وقد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فإنهم لا يكذبونك يعني هذا أنهم يصدقون الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن منعهم الكبر أو الحسد أو الحمية بدينهم من أن يأتوا بلا إله إلا الله وأن يصلوا وأن ويصوموا ويزكوا والحج يحجون ويعتمرون، وهو من بقايا الباقية من دين إبراهيم، ولكن ليس عندهم غيره. مكرون بالشرك فيقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يلبون بالشرك. ولهذا لبى النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد فقال لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، نفى الشرك. وهم يقولون لله شريك، وهم من يعبدونهم من دون الله، يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ووسائط بيننا وبين الله، وهذا في الحج. أما الصلاة فلا يصلون ولا يزكون ولا يصومون ولا يقولون لا إله إلا الله، وهم في قلوبهم يعتقدون أنه رسول الله ويصدقونه، فإنهم لا يكذبونك. Donc le chef explique, il dit, en ce qui concerne les Murji'a, c'est une des sectes d'égarement et un des groupes d'égarement. Et bien les Murji'a, ils disent, la foi c'est uniquement de reconnaître que quelque chose est vrai dans le cœur, seulement. Mais les actions ne rentrent pas dedans, c'est-à-dire les actions ne rentrent pas dans la définition de la foi pour eux. Et certains d'entre eux disent que c'est une condition de perfectionnement, c'est-à-dire que si tu as les actions, c'est quelque chose qui est parfait seulement ta foi. Et que ça ne fait pas partie de la foi elle-même. D'autres parmi les Murji'a disent que c'est une condition obligatoire, mais ça ne rentre pas dans la réalité de la foi. Donc ils disent que si tu crois avec ton cœur, alors tu es un croyant, même si tu ne fais pas les actions. Et ça c'est un madhab qui est batil, c'est une croyance qui est complètement fausse. Parce que les mushrikines, ils croyaient avec leur cœur que ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam avait amené, c'était la vérité, et que c'était bon, ils croyaient en ça dans leur cœur. Hein? Mais ils ont refusé de dire la ilaha illallah, et ils ont refusé de dire la ilaha illallah. Pourquoi? Ils ont refusé parce que à cause de la jalousie, à cause de la fierté, à cause de le fait qu'ils étaient accrochés à leur religion, ils voulaient pas dire la ilaha illallah. Donc ils croient en la ilaha, au message du messager, ils croient que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam c'est pas un menteur, et tout ce qu'il dit c'est vrai parce qu'il le connaissait dans la jahiliya, et il savait que c'était pas quelqu'un qui ment. Mais ils ont refusé de dire la ilaha illallah, ils ont refusé de faire la salat, ils ont refusé de faire le jeûne, ils ont refusé de donner la zakat, et le hajj, ils ont refusé de faire le hajj. Le cheikh il dit, Allah il dit dans le Coran le verset 33 dans surat al-An'am, et Allah il s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant, nous savons que ce qu'ils disent t'attriste, ce que les mushrikins disent, nous savons que ça t'attriste, mais sache que c'est pas toi qu'ils traitent de menteur, mais les injustes renient les versets d'Allah, ce sont les versets d'Allah qu'ils renient. C'est pas toi qu'ils traitent de menteur, ils ne te disent pas que tu es un menteur, ils disent oui, ce qu'ils disent c'est vrai. Mais ils refusent de croire en Allah et d'accepter les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le chef, il dit, quand ils disent, ils ne te traitent pas de menteur, c'est-à-dire, ils croient que tu es messager. Mais c'est la fierté et l'arrogance et l'orgueil qui les empêchent d'accepter, de dire la ilaha illallah, de faire la salat et de faire le jeûne, et de donner la zakat. Et il dit le hajj, ils font le hajj. C'est-à-dire, ils font pas le hajj comme les musulmans. Ils font le hajj des mushrikins. Et ils font l'umrah. C'est-à-dire, ça, c'est des choses qui leur est resté des parties de la religion d'Ibrahim. Toutefois, ils n'ont rien d'autre que le hajj, et ils l'ont mélangé avec du shirk. Ils ont mélangé le hajj avec du shirk. Et donc, quand ils font at-talbiya, au lieu de dire la baik, la sharika, la baik, comme nous les musulmans on dit la baik, la sharika, la baik, eux, ils disent, la baik la sharika lak illa sharikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak, c'est-à-dire la baik nous venons à toi, ô Allah subhanahu wa ta'ala, nous venons à toi, notre Seigneur, il n'y a pas d'associé, tu n'as pas d'associé, sauf un associé qui est à toi, que tu possèdes et ce qu'il possède, que tu possèdes lui et ce qu'il possède. Donc, il vise le talbiya avec du shirk dedans. C'est pour ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui, quand il est venu, il a fait sa talbiya établie sur le tawhid. Et il a dit, la bayka la sharika lak, inna alhamda wa ni'mata lak, wa almulk la sharika lak. C'est-à-dire, nous venons à toi, ya Rabb, tu n'as pas d'associé, tu n'as pas de partenaire, toute la louange et la grâce est à toi, t'appartient, et ainsi que tout le royaume, tout ce qui existe est à toi, et tu n'as pas de partenaire, il n'y a pas d'associé avec toi, ni de partenaire. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a nié toute forme de shirk. Hein? Tandis que les mouchriquins, eux, ils faisaient tel bien, mais avec le shirk dedans. Et ils adoraient d'autres avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ils prenaient des intermédiaires et des intercesseurs. Hein? Ils les adoraient en dehors d'Allah. Ils disaient ça, ce sont nos intermédiaires et nos intercesseurs. Hein? Entre nous et Allah. Et ça, c'est dans le hajj. Tandis que dans la salat, ils ne faisaient pas la salat. Et ils ne faisaient pas la zakat. Il va faire chaud, hein. Ils ne faisaient pas la... Il ne donnait pas la zakat. Non, c'est vrai. Barakallahu fik. Donc, ils ne donnaient pas la zakat. Ils ne font pas le jeûne. Et ils ne disent pas la ilaha illallah. Et dans leur cœur, ils disent que oui, le messager d'Allah, c'est vrai. Il est le messager d'Allah. Fa innahum la yukadhibunash. Al-Yahud wa al-Nasara, aïban, yusaddiquna annahu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Al-Lazina ataynahum al-kitab, ya'rifunahum kama ya'rifuna abna'ahum. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين فهم يعترفون أنه رسول الله بقلوبهم ولكن أبوا أن ينطقوا بألسنتهم وأبوا أن يتبعوه فلم يكن التصديق بالقلوب كافيا كما تقوله المرجئة. Le cheikh, il dit, les juifs et les chrétiens, la même chose. Ils disent que, ils savent que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, c'est un vrai messager. Et ils croient que, qu'il est vraiment un messager. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le verset 146, en surat al-Baqarah, ceux qui ont reçu le livre, ils le reconnaissent comme ils reconnaissent leurs propres enfants. Et il mentionne le verset 89, auparavant, وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. C'est-à-dire les juifs qui étaient à Médine. Avant l'islam, ils disaient, on va avoir un prophète qui va venir. Et il va venir et on va vous combattre et on va avoir la victoire sur vous. Ils disaient ça aux arabes, mushrikins, aux arabes païens. Ils leur disaient ça avant l'islam. Mais lorsqu'il est venu, ce messager-là qu'ils attendaient, lorsqu'il leur est venu avec ce qu'ils ont reconnu, ils ont refusé d'y croire. Ils ont refusé de croire en lui, alors qu'ils ont su que ce qui l'a amené, c'est la vérité. C'est ça qu'ils attendaient. Et Allah, il dit par la suite que la malédiction d'Allah soit sur les kafirim, sur les mécréants. Non. Entre les Juifs et les Arabes mouchriquins, ils ne s'aimaient pas, nécessairement. Bien sûr, non, il y avait une différence entre eux dans leur façon de s'habiller, comme les Juifs aujourd'hui, entre les chrétiens et les Juifs, on peut les distinguer. Ben, c'est vrai qu'il y a beaucoup de Juifs que tu ne peux pas savoir que sont les Juifs parce que ils sont complètement indistinguables, parce qu'ils ne s'habillent pas d'une façon particulière. Ils s'habillent comme les chrétiens, c'est-à-dire ils suivent le même mode de vie que les autres. Donc, en apparence, un juif qui pratique pas ouvertement sa religion, qui a aucun signe distinctif, tu peux pas savoir qu'il est juif par rapport à un chrétien dans la société ici. Mais il y en a une catégorie de juifs qui sont plus, disons, attachés à certaines traditions ou cultures, et ils s'habillent différemment des autres, ils s'habillent en noir, ils portent des vêtements distinctifs et tout, et les femmes aussi. Tu peux les distinguer, tu peux savoir que ce sont des juifs. Donc, à l'époque du prophète, avant l'islam, à la Mecque et à Médine, s'il y avait des juifs, eh ben, ils s'habillaient aussi d'une manière différente que des musulmans. Même aujourd'hui, au Yémen, il y a des yéménites juifs Et puis, ils s'habillent différemment que les musulmans. Et on peut les distinguer des musulmans. Hein, parce que les musulmans, ils ont leur façon de s'habiller. Et les juifs, ils ont leur façon de s'habiller. Okay, donc, même avant l'islam, les mouchriquins arabes et les juifs, ils étaient distinguables. Et le cheikh, il dit, donc, ils reconnaissaient que c'était un messager dans leur cœur. Ils savaient que c'était vrai parce qu'ils voyaient les signes. Mais ils ont refusé de le dire avec leur langue et ils ont refusé de le suivre. Donc, le fait qu'ils reconnaissent ça dans leur cœur n'est pas suffisant, contrairement à ce que disent les Murji'a. Selon les Murji'a, si tu dis que tu crois en ça dans ton cœur, même si tu ne le dis pas avec ta langue, ou que tu ne l'appliques pas, ou que tu ne le suis pas avec tes actions, c'est suffisant pour être un croyant. Mais pas selon Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Le Cheikh dit, وَلَيْسَ هُوَ اَعْتِقَادٌ بِالْقَلْبِ وَقَوْلٌ بِاللِّسَانِ فَقَطْ كما تقوله الطائفة من المرجئة أو كما تقوله طائفة من المرجئة وهم مرجئة الفقهاء يقولون الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالقلب ولو لم يعمل فيلغون العمل ولا يدخلونه في الإيمان وجاءوا باثنين وتركوا الثالث قالوا إن العمل ليس بضروري ما دام أنه ينطق ويعتقد فيكفي فيكفي هذا وهذا مذهب باطل أيضا لا بد من الأعمال والله دائما يقرن الإيمان أو نعم يقرن الإيمان بالعمل آمنوا وعملوا الصالحات وما قال الذين آمنوا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ما قال آمنوا فقط بل قال آمنوا وعملوا الصالحات فلا يكون إيمان إلا بعمل فالإرجاء مذهب باطل بجميع أقسامه لشيخ الزين إليا يعني donc il dit que la foi c'est pas seulement quelque chose qui est dans le cœur et c'est pas seulement quelque chose avec la langue que tu dis hein? Contrairement à ce que disent une partie parmi les murji'a parce qu'il y a des, dans les murji'a il y a des degrés il y a ceux qui disent c'est juste une connaissance dans le cœur. Il y en a qui disent c'est de reconnaître la vérité dans son cœur seulement. Même si tu ne dis pas avec la langue, même si tu ne le fais pas avec ton corps. Il y a une autre catégorie qu'on appelle Murji'at al-Fuqaha. Eux, ils disent c'est qu'est-ce que tu dis dans ton cœur, que c'est la vérité, et qu'est-ce que tu dis avec ta langue aussi, mais les actions ne sont pas dans la foi. Ça ne fait pas partie de la foi. Ça, c'est ce qu'on appelle Murji'at al-Fuqaha. OK? Et ceux-là aussi sont dans l'erreur à propos de la foi. Bien sûr! Bien sûr, barakallahu fik. La parole c'est une action également, donc ils se refutent eux aussi, mais c'est pour ça qu'ils disent que si quelqu'un a dit la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, une seule fois dans sa vie, puis qu'après il n'a jamais fait d'action, ni d'autres paroles, il est toujours musulman selon eux. Et c'est pour ça que vous entendez certains prêcheurs en France qui disent, du moment que quelqu'un dit la ilaha illallah, ça y est, il est musulman pour nous. On ne va pas chercher sa pratique, il pratique ou non, est-ce qu'il fait, est-ce qu'il ne fait pas. Tu te sens musulman, t'es musulman. Si tu te sens musulman dans ton cœur, t'es musulman. Ça c'est la définition de certains prêcheurs en France qui sont, hein. Ça, c'est une aqida qui vient des chrétiens, comme tu dis, puis des philosophes grecs et des autres. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Mais Tariq Ramadan, il dit ça dans ses conférences. Hein. C'est juste pour vous dire. Pour que vous sachiez que c'est ça, sa aqida. En fait, c'est pas moderne, cette aqida, cette bid'a, elle est ancienne. Ouais. Ouais, il dit toujours ça. Il dit toujours ça, mais son problème, il n'est pas moderne, parce qu'il y a des bid'as qu'il ramène, qui ne sont pas modernes. C'est des bid'as anciennes. Mais il faut juste les ramener, avec un langage moderne. Hein. Donc, le chef, il dit que, donc, ça, c'est une erreur également. Ceux qui disent que la foi, c'est juste le cœur et la langue, ça aussi, c'est incorrect. Parce qu'il n'entre pas dans. Il n'accepte pas d'introduire les actions dans la foi, dans la définition de la foi. Ils le font sortir de la foi. Ok? Mais là, yudkhilunahu fil iman. Donc, ils ont ramené deux aspects de la définition, mais ils ont rejeté la troisième, c'est-à-dire les actions. Ils ont dit que l'action, c'est pas nécessaire. Du moment que la personne a parlé, il a dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, et qu'il croit dans son cœur, ça c'est suffisant. Et ça, c'est un madhab qui est batil aussi, qui est faux. parce que les actions font partie de la foi. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle dans le Coran, il dit toujours « Alladina amanu wa amilu salihat » à chaque fois. Ceux qui ont eu la foi, qui ont cru et qui ont fait les bonnes œuvres. Il dit jamais ceux qui ont cru tout seuls seulement. Toujours ceux qui ont cru et qui ont fait les bonnes œuvres. Ça va ensemble. Tu ne peux pas les séparer les deux. Donc le cheikh il dit que la voie il dit que les actions font partie de la foi et que la voie des murji'ah c'est un madhab qui est complètement faux dans toutes ces catégories. C'est-à-dire peu importe les degrés et la catégorie de dirja, elles sont toutes fausses. Et il mentionne en dernier un autre exemple, la dernière catégorie, c'est l'irja des ash'ara. Il dit wal ash'ara ja'u bi wahidin wa taraku ithnayn. فيقولون الإيمان هو التصديق بالقلب ولو لم ينطق بلسانه فمن صدق بقلبه فهو مؤمن حتى ولو لم يتكلم والحق هو مذهب أهل السنة والجماعة وهو مأخوذ من الكتاب والسنة أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. الشيخ الزين في قوسين الأشاعرة يزغمنين parmi les catégories puis ils ont abandonné deux dans les définitions de la foi. Ils ont limité la foi comme les autres, comme les Jahmiyyah, ils ont ramené que la foi c'est juste ce qui est dans le cœur seulement. Même si tu ne le dis pas avec la langue, même si tu ne l'appliques pas avec tes actions, ce n'est pas grave. Pour eux, la foi c'est at-tasdiq avec le cœur seulement. Et ça c'est la aqida des Asha'ira. Oui, la majorité des gens ils croient ça. Barakallahu fik. Les Jahmiyyah, ils considèrent que Pharaon était un croyant. Et ils croient que Iblis aussi est un croyant. Hein? Parce que il connaît que Dieu existe et il sait que Dieu existe. Donc du moment que tu sais que Dieu existe, ça y est, pour eux, tu es un croyant. Et ça, c'est la définition de la foi selon ces gens-là. Mais bien entendu, pour nous, on sait très bien que ce ne sont pas des croyants parce qu'ils ont refusé d'appliquer, de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la vérité est dans la voie et dans le madhab de Ahl Sunnah wal Jama'ah, et ça c'est tiré du Coran et de la Sunnah, et la foi donc c'est une parole avec la langue, une croyance avec le cœur et une action avec le corps. Et les Asha'ira et les autres Murji'ah souvent ils s'égarent dans la définition de la foi parce qu'ils définissent la foi uniquement en se basant sur des explications linguistiques. C'est comme tu vas ouvrir un dictionnaire, tu vas regarder qu'est-ce que ça veut dire le mot foi en langue arabe, puis là, ça va te dire tasdiq. Hein? C'est vrai qu'une partie de la définition de la foi, c'est de reconnaître quelque chose que c'est vrai, de croire que c'est vrai. Ça, c'est une partie de la signification de la foi. Mais c'est pas la signification complète de la foi selon la définition du Coran et de la Sunna et de la Sharia elle-même. Donc, le mot foi, le mot iman, il existait avant la révélation du Coran. Les Arabes utilisaient ce mot-là dans leur langage, même dans l'après-islam, même avant l'islam. Mais la révélation du Coran et de la Sunna et l'islam est venue ajouter à ce mot-là d'autres significations qui sont venues compléter la signification de la foi. Et donc, pour comprendre la foi, qu'est-ce qu'elle signifie dans l'islam, il faut retourner au texte de la révélation pour le définir. C'est pas quelque chose qui te base uniquement sur les connaissances linguistiques. Et c'est ça l'erreur de beaucoup parmi les gens aujourd'hui. Quand ils parlent par exemple des koufars, ils interprètent la définition du kouf d'une façon linguistique. Ils disent, ah, ça veut dire que tu couvres quelque chose. La vérité, tu la recouvres. Comme les koufars, on appelle les agriculteurs, on les appelle des koufars linguistiquement, parce qu'ils font un trou dans la terre, ils mettent la graine et ils la recouvrent avec de la terre. Ça, c'est à cause de ça qu'on dit le kouf. Donc, eux, ils utilisent cette définition linguistique-là, puis ils l'appliquent à la définition islamique. Ils disent que le kufr, un kafir, c'est seulement celui qui a connu la vérité, puis qui l'a recouvert. Mais celui qui n'a pas connu l'islam, il n'est pas kafir. S'il n'a pas connu l'islam, il faut qu'il l'ait entendu, puis qu'il l'ait compris avant, qu'il l'ait accepté, puis qu'il l'ait rejeté par la suite. Et ça, c'est une fausse définition, parce que ça rejette toutes les explications et les détails de la signification du kufr dans la révélation. Le kufr, ce n'est pas seulement de rejeter la vérité, ça peut être par arrogance, ça peut être par rejet, ça peut être par ignorance, ça peut être aussi par hypocrisie. Il y a beaucoup de sortes de kufr, il y a beaucoup de définitions d'expressions du kufr. c'est pas seulement une sorte de kufr dans le Coran et dans la Sunna. Attendez juste une minute, vérifier combien de temps on est, à combien de temps on est rendu. Ok. Donc, on va compléter juste ce point-là. Le Cheikh dit wa qawluhu yazidu bi ta'a. قال تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون دل على أن الإيمان يزيد وأهل الضلال يقولون لا يزيد بل هو شيء واحد في القلب وقال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا فذكر الأعمال وحصر الإيمان في هؤلاء إنما المؤمنون وذكر أقوالا وذكر أعمالا إقام الصلاة وإيتاء الزكاة ووجل القلوب هذا هو الإيمان فدل على أنه يزيد بالطاعة فيزيد بالصلاة ويزيد بالزكاة ويزيد بتلاوة القرآن فهو يزيد وقال تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا دل على أن الإيمان يزيد كما ينقص فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول وكذلك ينقص بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق فدل على أن الإيمان له أعلى وله أدنى وقال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان دل على أن الإيمان يضعف وينقص وفي الحديث انطلق فمن كان في قلب انطلق فمن كان في قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من النار فدل على أن الإيمان ينقص حتى يكون مثل حبة الخردل فالناس ليسوا سواء في الإيمان بعضهم أقوى إيمانا من بعض للشيخ يزي que la foi elle augmente avec l'obéissance et elle diminue avec les péchés donc le Cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne ça dans le Coran. Le verset 124 dans Surah Tawba, il y a un exemple de ça. Il dit, et lorsqu'on fait descendre une surah, il y en a parmi eux qui dit, lequel d'entre vous a senti que sa foi a augmenté à cause de ce verset? Donc ceux qui ont cru, leur foi a augmenté. Hein? Cette surah a augmenté leur foi et ils s'en réjouissent. Donc ça c'est le verset 124 dans Surah Tawba. Ça c'est la preuve que la foi elle augmente dans une personne et c'est la preuve donc que la foi augmente et les gens de l'égarement parmi les murji'a ils disent non la foi elle augmente pas c'est une chose unique c'est un bloc hein, et une fois que tu l'as ça y est elle diminue pas elle augmente pas c'est une chose unique hein, ça c'est les murji'a qui disent ça mais Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset 2 et 3 dans Surah Al-Anfal les croyants sont uniquement ceux que lorsqu'on mentionne le nom d'Allah, leur cœur frémisse. Et lorsqu'on mentionne ces signes et ces versets, ça augmente leur foi. Et ils mettent leur confiance en leur Seigneur. Ceux qui établissent la salat et qui donnent de ce qu'on leur a donné comme subsistance, qui donnent ça en nos mondes. Et ceux-là sont les vrais croyants. Donc, le Cheikh, il dit, que Allah subhanahu wa ta'ala dans ces versets-là, il a mentionné des actions et il a expliqué la définition de la foi et il a dit que il a limité en disant que ce sont eux les croyants. Oulaika humul mu'minun haqqa. Il les a définis, il a dit voilà les croyants qui sont les vrais croyants. Il a donné la définition de croyant qui est complet dans sa foi. Parfait. Hein? Et le Cheikh il dit نعم ذكر أقوالا il a mentionné dans ce verset là des paroles hein il a mentionné également des actions dans le verset il a mentionné des paroles de mentionner Allah ou de se rappeler d'Allah, de lire les versets, quand on entend de faire la salat, de donner en charité, tout ça c'est des paroles et des actions. Donc ça prouve que ça fait partie de la foi. Et donc le cheikh il dit, celui qui établit la salat, qui donne la zakat, hein, et dont le cœur frémit quand il entend les paroles d'Allah, ça, ça fait partie de la foi. Et ça prouve que la foi elle augmente. Hein, elle augmente quand tu fais la salat, elle augmente quand tu donnes la zakat, elle augmente quand tu lis le Coran. Hein, tout ça, ça le fait augmenter ta foi. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 31 dans surat al-Muddathir, وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِمَانًا. Elle fait augmenter les gens qui ont la foi, ça fait augmenter leur foi. Donc ça, ça prouve que la foi, elle augmente et qu'elle diminue. De même, et il y a la preuve aussi dans dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a porté sur un muslim, hein, par Abi Huraira, radiyallahu anhu, il dit que la foi, elle a 70 et quelques branches. La plus haute d'entre elles, c'est de dire la ilaha illallah, et la plus basse d'entre elles, c'est d'enlever quelque chose du chemin qui est nuisible. Donc ça, c'est la preuve que la foi, elle a un aspect qui est plus haut, et elle a également d'autres aspects qui sont plus bas dans la foi. Et ensuite, il dit, un autre exemple de la preuve que la foi, elle peut diminuer, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith qui est authentique, qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui voit quelque chose de mal, on l'a mentionné tout à l'heure, qu'il le change avec sa main, s'il ne peut pas, qu'il le change par sa langue, et s'il ne peut pas, alors qu'il le change par son cœur, et ça c'est le plus bas niveau, le minimum de la foi, c'est la preuve que la foi diminue, hein, parce qu'il y a le minimum, et il y a le plus haut niveau de la foi. Et ensuite, il dit, dans un autre hadith, lorsqu'on a parlé par exemple du fait qu'au jour de la résurrection, il y aura des musulmans qui vont rentrer en enfer, puis qu'il y aura une intercession pour les croyants parmi eux, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala va dire, faites sortir de l'enfer celui qui avait moins de partie de la foi, même une graine de moutarde de foi, faites-les sortir de l'enfer. Ils ont brûlé dans l'enfer, mais ils ne restent pas éternellement parce qu'ils ont un minimum de foi dans le cœur. Une atome de foi dans le cœur, ils sortent de l'enfer, ils ne vont pas demeurer éternellement parce qu'ils n'ont pas fait de shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, ça prouve que la foi, elle peut diminuer jusqu'à ce qu'elle devienne comme une atome. Elle peut diminuer. Et elle peut augmenter jusqu'à ce qu'elle devienne comme des montagnes. Hein? Donc le cheikh, il dit donc que les hommes ne sont pas égaux dans la foi. Certains sont plus forts que d'autres dans la foi. Et les murji'a, le cheikh dit, « Al-murji'a yakuluna ahluhu fi aslihi sawa. Wa yakuluna la farqa bayna imani Abi Bakr al-Siddiq wa imanu al-fasiq min al-nas. Kulluhum mu'minun. أما أهل السنة فيقولون هذا إيمانه يعدل الجبال وهذا إيمانه يعدل مثقال ذرة أو حبة من خردل ولا يسوى بينهم هذا معنى قولهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية كلما أطاع المسلم ربه ازداد إيمانا وكلما مال عصى ربه نقص إيمانه وهذا هو المذهب الحق وهذا هو تعريف الإيمان التعريف الصحيح. Le chef dit, les murji'a, ils disent que les gens sont tous égaux dans la base de leur foi, et ils disent qu'il n'y a pas de différence entre la foi de Abu Bakr al-Siddiq et la foi de la plus perverse, le plus pervers des hommes. Ils disent qu'ils sont tous égaux, ils sont tous croyants. Et les gens de Ahl al-Sunnah, eux, ils disent non. Celui-là, Abu Bakr, sa foi est comme les montagnes, tandis que l'autre, sa foi est comme une graine de moutarde ou une atome, et donc il n'y a pas d'égalité entre les deux. Et donc le cheikh dit ça, c'est la signification quand les ulama disent la foi elle augmente et qu'elle diminue, elle augmente avec les obéissances et elle diminue avec les péchés. Chaque fois que le musulman obéit à Allah subhanahu wa ta'ala, sa foi augmente, et chaque fois qu'il fait des péchés, hein, il désobéit à son Seigneur, sa foi diminue. Et ça, c'est la voie qui est la vérité. Et ça, c'est la définition de la foi qui est la vraie définition de la foi selon le Coran et la Sunna. Donc ça vient terminer qu'est-ce qu'on voulait expliquer aujourd'hui au sujet des paroles de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Donc on va s'arrêter ici, inshallah. Subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.